Section 24 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e. Section 24. Invitation, par Émile de Najac. Dors-tu, mon ami? C'est selon. Que me veux-tu? Te parler d'affaires sérieuses. Ah, je dors. Eh bien, éveille-toi. Nous avons un dîner à donner. Il faut t'envoyer nos invitations aujourd'hui. Grâce à toi, qui ne peut te décider à rien? C'est déjà beaucoup trop tardé. La chasse est fermée. Plus de gibier. Le carême est ouvert. Poisson hors de prix. Je ne sais vraiment pas comment Dorothée va s'en tirer. Fixons d'abord le jour. Mettons mercredi en 15. Un mercredi? Y penses-tu? Mais le mercredi est un jour maigre en carême. Je ne demande pas mieux, pourvu que je fasse gras. Mettons jeudi. Soit. Qui aurons-nous? Fétaliste. Je n'ai pas de préférence. Quels que soient les convives, quel que soit le menu, je ne jouis de rien chez moi. Je suis distrait, préoccupé. Le service n'est jamais aussi prompt que je le désire. Et ce diable de Baptiste secoue toujours mes bouteilles de vin vieux. Alors, tu ne veux pas que nous donnions ce dîner? Je n'ai pas dit ça. Je te préviens seulement que je dînerai mal, voilà tout. Pauvre ami, voyons, combien serons-nous? 13 ou 14, pas davantage. Pas 13, malheureux. Alors 14. Ta mère et nous deux, 3, bébé dînera dans sa chambre. Il reste donc 11 places d'invités. Tu Dieu, ce n'est pas une petite affaire que de composer une liste d'invités. Monsieur et madame ont tant de dîners à rendre, tant de politesses à faire. Celui-ci peut être utile à monsieur. Celui-là serait désagréable à madame. Mais tel qui plaît à madame déplaît souvent à monsieur et réciproquement. Ce n'est rien encore. Si vous invitez monsieur et madame A, vous ne pouvez pas avoir monsieur et madame B, parce que monsieur et madame B ont fait une impertinence à monsieur et à madame A, et que monsieur et madame A ne veulent plus se trouver en face de monsieur et madame B. Monsieur et madame C sont d'excellents amis qui vous invitent chaque fois qu'ils ont du monde à dîner. Vous ne pouvez pourtant pas décemment les avoir le jour où vous attendez le baron et la baronne de, le vicomte et la vicomtesse de, le comte et la comtesse de. Si monsieur et madame D sont des gens trop bien pensants, ayez grand soin de ne pas les réunir à P, à G, à R. Sceptiques tapageurs qui consacrent leur loisir à casser les vitres du paradis. Évitez aussi d'asseoir à la même table des représentants d'opinions extrêmes en politique. Quoique généralement bien élevés, ils en viennent aux gros mots dès le rôti, et cela jette un froid. Une fois la liste arrêtée, vous croyez en avoir fini avec tous ces menus préliminaires. Vous vous disposez à faire jeter vos invitations à la poste. Attendez, mon ami, comment placerons-nous notre monde? C'est une question très délicate, tu sais. Y as-tu songé? Rien de plus simple. Monsieur H à ta droite, Monsieur J à ta gauche, mais c'est impossible. Pourquoi donc? Monsieur H a rendu de grands services. Nous donnons à dîner un peu pour lui. C'est la première fois qu'il vient chez nous. Voilà de bonnes raisons, ce me semble, pour lui réserver la meilleure place. Quant à Monsieur J, il est président du cercle dont je fais partie. C'est un homme âgé. Il est donc tout naturel. Et Monsieur K, nous le mettrons à côté de la femme que nous allons choisir pour ma droite. Mais Monsieur K est de l'Académie. Qu'est-ce que cela fait? K est un ami de 20 ans qui dîne continuellement chez nous. Combien de fois ta mère l'a-t-elle placé au bout de la table? Oui, quand il n'était pas académicien, mais aujourd'hui c'est bien différent. À lui la place d'honneur. Demande plutôt à ma mère qui connaît son savoir-vivre sur le bout du doigt. Je t'assure qu'il ne s'offusquera pas. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Nous ne devons pas donner à penser que nous traitons cavalièrement l'Académie française. Réfléchis donc. L'Académie vient après le Conseil des ministres, le corps diplomatique et le cadre des maréchaux pour le nombre. Les académiciens ne sont que 40 ou 39. Le plus souvent, il en manque au moins un, et en moyenne, il y en a toujours une dizaine au lit. Rien n'est donc plus difficile, et partant plus flatteur, que de faire asseoir un académicien à sa table. C'est une bonne fortune qui n'est pas accordée à tout le monde. Nous l'avons. Profitons-en. Comment faire? Tu n'as pas de droite ni de gauche. Tiens-tu beaucoup à M. J? Oui, je l'avoue. Eh bien, tu l'auras une autre fois. Alors, pour avoir un académicien, il faut donner deux dîners. Je ne savais pas que l'académie fut une cause de dépenses pour quelqu'un qui ne veut pas en être. Ainsi, voilà qui est convenu. Pas de M. J. La question des hommes, une fois résolue, reste celle des femmes. C'est bien une autre affaire. Monsieur propose de prendre Madame L à sa droite et Madame M à sa gauche. Ni l'une ni l'autre, s'écrie Madame scandalisée. Pourquoi? Avant notre mariage, tu étais chez Madame M sur un pied. Ce n'est pas vrai. Je le tiens d'Annette, ma femme de chambre, qui était elle aussi à son service en ce temps-là. Ah, tu écoutes ce que te dit ta femme de chambre? Oui, quand elle me coiffe. Si elle en est ainsi, pourquoi veux-tu avoir Madame M? Pour la faire enrager en la plaçant mal. Ravissant. Il serait, crois-moi, plus économique et plus charitable. Tu entends trop bien l'économie et tu n'entends rien à la charité, mon ami. Alors, passons à Madame L. Pourquoi ne veux-tu pas? Parce qu'elle est juive. Ah, bah! Nous ne pouvons pas faire autrement que de l'inviter. Mais il est de notre devoir de chrétien de lui montrer le peu de cas que nous faisons de sa religion maudite. Étourdissant, désigne-moi donc toi-même entre qui tu veux que je dise. Entre Madame N et Madame O. Il me semble cependant que tu devrais, de préférence à Madame O, choisir Madame P. Non, je désire au contraire que Madame P soit la plus mal placée. Pourquoi? Parce qu'en la traitant ainsi sans conséquence, je prouve aux autres qu'elle est ma meilleure amie. Pour le moment. Bien entendu. Vous tous qui donnez des dîners, dites-moi si cela ne se passe pas presque toujours ainsi. Fin de la section 24, lue par Margot.